sur Saint-Joseph, la mythique et renommée salle de spectacle Le Dauteuil présente du jeudi au samedi jusqu'au 19 janvier Silence. Silence revisite l'univers de Pink Floyd. Les anciens membres du groupe, dont Éric Brassard, chanteur-guitariste de la mouture originale, nous feront revivre les émotions de l'expérience artistique Pink Floyd. Billets en vente à la porte au 228 rue Saint-Joseph-Est ou en ligne sur ledauteuil.ca. Bonsoir, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. À chaque fois, quand je commence une émission, je dis toujours « installez-vous confortablement ». Et là, je vais rajouter bien au chaud. 2 heures de bonne musique. On a sollicité vos top 15 des albums progressifs de 2018. Et vous avez répondu en grand nombre. Merci beaucoup. On va vous présenter dans la première partie de l'émission le résultat de ce sondage. En fait, moi, j'appelle ça un sondage. C'est un exercice qui n'est pas toujours facile parce que je pense que je l'ai repris comme 15 fois le mien. Puis à la fin, je me suis dit, je ne serai jamais content. C'est quand je l'envoie comme ça. Ça va être ça. Et puis, je pense que ça a été le cas de plusieurs. On ne peut pas, finalement, on oublie toujours un peu. Puis là, on se dit, oh, non, je recommence. Et finalement, on se dit, ben, ça va ressembler à ça, mais on sera jamais content du résultat. Mais bon, enfin, j'ai 15. On n'écoutera pas les 15 albums ce soir, parce que j'ai d'autres choses aussi. J'ai plein de petites nouveautés. Mais on va vous en donner un bon avant-goût. En 15e position, un groupe italien, La Dottrina. La Dottrina, des Monsieur Degli Apposti. Arrivederci, Sogni. Ça, je pense que les amateurs d'italien, c'est un ancien membre de la Conscienza di Zeno, un super premier essai. Et puis, ça m'amène à dire que finalement, les 12, 13, 14, 15 positions, ça s'est joué à pas grand-chose. Et il y a plusieurs qui auraient pu s'y retrouver, comme Tangent, comme Cripple Black Phoenix, comme Rain Strain. Malheureusement, ça s'est joué dans bien des cas, dans pas grand-chose comme différence. Et puis, en 14e, on retrouve Oak, une autre formation italienne. C'est Je vais essayer encore de... Oscillazioni Alchimico Creative, c'est l'album Giordano Bruno, et on en écoute un extrait. Thank you.

C'était la 13e position, Galasphere 347, un groupe britanno-scandinave, un premier essai. Je ne sais pas s'il va y avoir une suite, mais moi, en tout cas, j'ai bien apprécié ce disque. En 12e, on retrouve The Samurai of Prague avec Archiviarum. En 11e, on retrouve Mysteries. Le Lies and Butterflies, c'est le seul groupe canadien québécois dans le palmarès. C'était souligné. En 10e position, on retrouve Riverside de l'album Wasteland. Et on va se payer un extrait de Riverside et de Samurai of Prague pour continuer notre décompte.

CKRL, communication, culture. À Québec, février rime avec Mois Multi et les festivités commencent le 24 janvier. Au programme, programmation jeunesse, musique électronique avant-gardiste, jeux vidéo d'art et nuits endiablées. Everything beyond that is speculation. C'est la dernière chance de se procurer le passeport pour l'ensemble du festival. Prépare-toi, Québec. Le Mois Multi éveille tes sens du 24 janvier au 3 mars. Moismulti.org. Les gagnants du concours Montre tes talents édition 2018 de CKRL, Miles Clayton de Québec, présentent leur nouvel opus, Heavy Air. Heavy Air de Miles Clayton est disponible en écoute intégrale sur toutes les plateformes musicales et sur CKRL. De retour pour le top 15 des albums prog de 2018. On était rendu à la 9e position avec la formation norvégienne Oak de l'album False Memory Archive. D'ailleurs, un groupe qu'on va avoir le plaisir de voir à Québec le 17 mai en première partie de Bjørn Riis. Donc, soirée scandinave au Centre d'art dans le cadre du festival Terra Incognita. Et puisqu'on parle de Scandinave, en 8e, on retrouvait Rickard Sojblom, Gongfly, Friendship. Bruno, il trouve ça drôle. J'ai encore la bouche gelée, on dirait. Et puis, on va aller faire un petit tour, justement. On va écouter la 9e Oak, False Memory Archive. Under fluorescent lights, concrete floors that echo, saw the fear in the air. Here we are, first in line, gathered in the morning, and then disappear. I can hear the sound of life returning to the soil, and it's killing me. On our fall will make no sound, silent attainee. Heartbeat breathing, walking softness of the wind playing in the glade, singing for the leaves. We hear that familiar melody. That's when they come. That's when. It's not a man or a beast. It's just the thought that will manifest. See me look at you in this haunted place. Where our minds will set themselves free. c'était Richard Sojbloom, Gongfly, l'album Friendship. C'est ça, c'était en 8e position. En 7e, on retrouve le claviériste Kleb Kaliadine pour son disque, son premier disque solo, Kleb éponyme, Kleb Kaliadine. En 6e, Galahad, Seas of Change, une longue pièce. Et puis, d'ailleurs, on va l'écouter, mais ça va être un extrait parce qu'on ne peut pas écouter les 44 minutes. Et en 5e, on retrouve la Cosienza di Zeno, Una Vita Migliore. Et comme je viens tout juste de vous dire, ben on va écouter un petit peu de Galahad et on vous revient. We'll be right back. And now some further news just in. It appears that hundreds of members of the opposition are throwing their weight behind a leadership challenge, effectively a coup, in response to what they believe was a rather lackluster and non-committal approach by their leader in relation to the European question. CKRL, communication, culture. Ici DJ Punk Asbed, j'aimerais vous inviter bien sûr à écouter la 500e émission de Prescription Punk Rock lundi le 14 janvier 2019 de 20h30 à 23h30 exceptionnellement. On a un gros spécial pour vous autres, ça va être le party en studio, voir au téléphone, en onde, live avec nous autres, NoFX, Me First and the Gimme Gimmies, Melanie K. PR, The Brains, Exterio, Slam Disc, The Matchup, Barricade Punk, El Cheapo Records, Still Insane, Pain Relief et Kung Fu Romeo. Tout ça dans ce 3 heures pour bien sûr la 500e émission de Prescription Punk Rock sur les ondes de CKRL 89.1 FM. Sur Saint-Joseph, la mythique et renommée salle de spectacle Le Dauteuil présente du jeudi au samedi jusqu'au 19 janvier Silence. Silence revisite l'univers de Pink Floyd. Les anciens membres du groupe, dont Éric Brassard, chanteur-guitariste de la mouture originale, nous feront revivre les émotions de l'expérience artistique Pink Floyd. En vente à la porte au 228 rue Saint-Joseph-Est ou en ligne sur ledauteuil.ca. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap Sainte-Foy, On the Basis of Sex, Pachamama, le trésor sacré, Une femme d'exception et Vice. Et au Clap Loretteville, Alad 2, Aquaman, Bumblebee, Pachamama, le trésor sacré, Sous un autre jour et The Upside. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma. De retour, on écoutait donc Galahad en sixième position, Seas of Change, un disque spécial parce que le groupe a voulu faire une seule pièce. Et c'est pas facile de diffuser un extrait. Mais on a réussi quand même. Et puis, c'est, je pense que ça l'a un peu remis après l'album qui était comme acoustique. Qui était en fait, c'était, à l'origine, c'était supposé être un disque solo là, de Stu Nicholson. Et puis, ça s'est transformé en Galahad acoustique. Mais là, je pense qu'avec celui-ci, ils reviennent. Ils nous donnent leur juste, là, Seas of Change, vraiment très bon. En cinquième, ça m'a surpris, La Crescenza di Zeno, Una Vita Migliore. On a des auditeurs qui aiment l'italien. Peut-être parce qu'on en met un peu, ça doit être ça, Bruno. Hein? Bruno, il y a le grand soir. La Crescenza di Zeno, donc, c'est leur. J'étais pour dire leur meilleur, mais non, on va se garder une petite gêne. Mais il est très bon. La Crescenza di Zeno, donc, en cinquième position. En quatrième, Maladai. Ça m'a beaucoup surpris aussi. Toinen Toista, leur deuxième album, une formation finlandaise qui est sortie de nulle part avec ce disque-là. Franchement, ça nous réconcilie avec le prog scandinave. Ben, je ne sais pas que ça nous réconcilie, mais c'est qu'il ne se passait pas grand-chose du côté scandinave. Là, tout d'un coup, on dirait que les choses se remettent. Et puis ça, ben, ça a été une des belles surprises de l'année, le Maladai. Donc, je pense que je vais arrêter là parce qu'on va écouter La Crescenza di Zeno et Maladai. Ciocche e la danza dell'acqua gorgò.

spalle e scrocchia le ossa e indossa le ali. Prima che il marinaio poi ti faccia sua. We'll be right back. Across the stars, lost a friend once so close. Maybe, but can we pretend? Then you find you're all alone, turn to stone. You're frozen in time. Have you lost the only one you love the most? The reason you rise up and sing. No, you try to keep the faith, a fading ghost is all that's left. Eternal and timeless, when he calls you by your name, don't forget who walks by your side. Je suis un disque. Oh là là là. C-K-R-L. Mais c'est magnifique. Je suis une voix. Point QC.ca. Le mois multi, ça le dit. C'est 6 semaines d'art multi. Audacieux, immersif, inspirant et pour tous les âges. Le mois multi, c'est plus de 30 jours de festivités regroupant 60 artistes de 6 pays, c'est 19 spectacles de performance hors du commun, 12 installations technologiques gratuites et 6 nuits endiablées à la cuisine. The sound goes way back. Prépare-toi, Québec. Le mois multi éveille tes sens du 24 janvier au 3 mars. Audiolite, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolite. Toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. Et de retour, ce qui a terminé le bloc, c'était la 3e position, groupe australien Southern Empire de l'album Civilization. Ça, c'est une surprise aussi. Et puis, ben, les deux dernières, je pense que ça surprendra personne. Ça, la lutte a été chaude entre les deux. Dans un premier temps, on retrouve en deuxième Fido de l'album Infernal. Un monsieur qui est assez populaire à Québec et qui nous a visité il y a 7 ans. Ça faisait 7 ans qu'on attendait ce nouvel album. Et on n'a pas été déçus. Ben, c'est sûr qu'on l'aurait pris avant. On l'aurait bien pris avant, mais excellent disque, donc, de Fido. Et ça ne me surprend pas qu'il se retrouve en deuxième position. Et la lutte, comme je vous disais, était chaude avec un groupe qui est arrivé un peu ses fesses en fin d'année et qui a pris tout le monde un peu par surprise. All Traps on Earth, A Drop of Light, c'est la première position. C'est un projet du bassiste d'Angle Lagarde et d'anciens membres du groupe. Et puis, ben, le Scandinave a la cote aussi. Donc, mais ça a été chaud. Ça a été vraiment chaud entre les deux. Et Fido, ben, je pense qu'on va se payer une petite pièce de Infernal. C'est la dernière demi-heure. Et puis, ben, écoutez, je voulais vous remercier de tous ces palmarès. Je m'excuse, j'en ai mis sur la page Facebook de Terra. Je ne les ai pas tous mis. Mais en tout cas, je m'excuse auprès de ceux que je n'ai pas eu le temps de le faire. Et puis, ben, écoutez, on va s'en reprendre l'année prochaine pour un sondage de 2019. Et puis, moi, ce que je retiens de cet exercice, c'est que j'ai plus aimé, dans le fond, à quelque part, trouver dans des palmarès des choses que je connaissais pas. Ça, ça a été ma surprise. Je me disais, ah, ça, je connais pas ça. C'est que je me suis fait une belle liste là, de choses creuser. Et puis, c'est la partie la plus agréable, je vous dirais. Là. J'ai au moins une dizaine de groupes à aller investiguer. Donc, ben, écoutez, je vous laisse avec Fido. C'est notre dernière demi-heure. C'est Terra Incognita avec Michel et Bruno. Et on y va avec Fido, qui, en passant, sera à Québec le 19 mai dans le cadre du festival Terra Incognita avec Finistère, Inner Space, du ben beau monde. Donc, c'est une belle fin de semaine. C'est l'événement prog de 2019, là, le festival Terra Incognita. Et on y va avec Fido Infernal. We'll be right back. ocean before. We'll be right back. ça, j'aime. Iet mörker av eviga, eviga tankar. Thank you. Bon, ben, écoute, c'est presque la fin de notre spécial Top 15 2018. Ce qui joue présentement, c'est la formation suédoise qui est en première position, All Traps on Earth, avec leur album A Drop of Light. C'est déjà le temps. Écoutez, si vous voulez avoir les positions de visu, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil sur la page Facebook de Terra Incognita demain. Pas trop de bonheur, mais elle va être là à un moment donné dans la journée. Sur ce, ben, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Même heure, même poste, Terra Incognita. C'était Bruno et Michel ce soir. Et on se laisse avec une nouveauté. Le disque sort en mars. Un extrait du nouvel album de Tim Bonus, le complice de Steven Wilson. Et c'est ça va être avec cette pièce qu'on va vous laisser ce soir. C'est le disque va s'appeler Flowers at the Scene. Et c'est la pièce I Go Deeper. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. 89.1. Le Foubar, c'est désaltérant, sympathique et animé. Ne manquez pas en janvier, Mireille Abéja qui présente l'exposition Femmes-filles, Samedi 12 janvier, le groupe Over Easy. Folk, blues, rock, musique acoustique et psychédélique. Au Mardi Jazz du 15 janvier, le trio Juan Cruz présente Acousticity. Au Mardi Jazz du 22 janvier, Marco Noël Quartet. Le 27 janvier, au Folk Apéro, André Lachance présente du folk plein les oreilles. Et au Mardi Jazz du 29 janvier, Micheline Bouzigon présente son spectacle I'm Glad There Is You. Le Foubar, c'est aussi des expositions, un match de baby-foot, des parties de dart, des lancements de disques et des pique-assiettes. C'est le carrefour de vos rencontres sociales et culturelles. Consultez foubar.ca. Le mois multi, ça le dit. C'est 6 semaines d'art multi. Audacieux, immersif, inspirant et pour tous les âges. Le mois multi, c'est plus de 30 jours de festivités regroupant 60 artistes de 6 pays, c'est 19 spectacles de performance hors du commun, 12 installations technologiques gratuites et 6 nuits endiablées à la cuisine. The sound goes way back. Prépare-toi, Québec. Le mois multi éveille tes sens du 24 janvier au 3 mars. Moismulti.org.